Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc on a fura. Êtes-vous dans la joie? Nous sommes dans la joie. Êtes-vous qu'on a fura? Ce soir. Mangadibi yaleo. C'est lui qui n'est pas venu ce soir, c'est son problème. Oula shukwe leo mangadibi ni mambo yake. Ni leo ni leo. Parce qu'aujourd'hui c'est terrible. Ce que nous vous prêchons. Il est tout namiubiri. C'est la fondement de la parole. Ni musingi ya neno. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Na ni ukweli. Aucun homme n'est la vérité. C'est seulement Dieu qui est la vérité. Ni paka Mungu njo. Et nous vous prêchons la vérité. Na qui est Dieu? Yenye kwa Mungu. Qui est la parole? Yenye kwa neno. Amen. Amen. Que toute parole d'un homme soit considérée comme mensonge. Mensonge. Neno lote la mutu ijulikane kwa ya bongo. Amen. Amen. Et ce soir, na mangaribi ya leo, nous allons écouter la parole de celui qui ne ment pas. Tutasikia neno ya ule celui qui est la vérité. Mwenye kwa ukweli. Celui que toi tu adores. Ule wa ule kuna abudu. Levons-nous pour lire la Bible. Tusimame juu ya kusoma Biblia. Prenons Marc. Tuchugue Marco. Marc 11. Marco 11. Commençons au verset 20. Tuanzie mstari ya makumi mbili. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Asubuhi mukupita wanafunzi wake wakaona mkuyu yenye ukauka kufika na kumizizi. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus. Na Petro akakumbuka ile rifanika akamwambia Yesu. Rabbi, mwalimu Rabbi, regarde. Tazama. Le figuier que tu as maudit a séché. Ne mukuyu ile urilani inakauka. Jésus prit la parole. Yesu akachukua sauti. Le propriétaire de la parole. Mwenye neno. Il a pris encore la parole. Akachukua tena neno. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Na alibambia nini? Jésus prit la parole. Yesu akachukua neno. Et leur dit. Na kubambia. Ayez foi. Muwe na imani. En Dieu. Ya kumwamini Mungu. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno. Et ce soir, na mangaribi ya leo, il y a des gens qui ont la foi. Kukubantu wenye kwa na imani. Pas la foi dans un homme. Hapana imani ndani ya mtu. Mais la foi en Dieu. Lakini imani ndani ya Mungu. Dieu que tu adores. Mungu ule kunaabudu. C'est pourquoi ce soir, je kwamba na mangaribi ya leo, tu as déjà prêché comment avoir l'argent. Waisha kubiri namna ya kupata pesa. Sasa mangaribi ya leo, je te présente un peu. Na kuonesha kwanza. Le propriétaire de la parole. Mwenye neno. Que tu montes un peu. Upate kwanza kupanda. Que tu aies un peu de la foi. Uwe kuna imani. Est-ce que tu as la foi ce soir? Eh, tu kuna imani mangaribi ya leo. Amen. Mais tu es calme, frère. Unekala kimya ndugu. Ayez foi en Dieu. Muwe na imani ya kumwamini. Elohim est capable. Elohim eko na uwezo. Nul n'est comparable à lui. Hakuna wa kulinganisha naye. Amen. Amen. Satan est puissant. Shetani eko na uwezo. La maladie est puissant. Magonjwa eko na uwezo. Mais lui il s'appelle. Lakini yeye. Le tout puissant. Wa uwezo yote. Alléluia. Amen. Il s'appelle. Jina lake le tout puissant. Wa uwezo yote. Satan est puissant. Shetani yuko na uwezo. Mais Jésus s'appelle. Mungu yeye Yesu ni. Le tout puissant. Ni wa uwezo yote. Donc de gauche à droite. Shoto na kuume. Il est puissant. Eko wa uwezo. Prends un peu Philippiens. Tuchugue kwanza wa Filipo. Nous allons monter un peu ce soir. Tutapanda kidogo mangaribi ya leo. Philippiens. Wa Filipi. Chapitre 4. Sura yake ya 4. Au verset 6. Msari ya 6. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Wanaandika nini? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole? Uko tayari kusikia neno la Mungu? Ne vous inquiétez. Musihangaikie. Ne vous inquiétez de rien. Musihangaike juu ya kitu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est lui qui parle là, c'est qui? Ule konasema ule ni nani? C'est le propriétaire de la parole. Ni mwenye neno. Ne vous inquiétez. De rien. Mushiangaike juu ya kitu. Mais. Alakini. Dans toutes choses. Mubitu biote. Faites connaître vos besoins. Muoneshe mahitaji yenu. A frère Ngoindai. Wanduku Ngoindai. A frère Mbala. Wanduku Mbala. Faites connaître vos besoins. Muoneshe mahitaji yenu. A qui? Kwa nani? à Dieu. Kwa Mungu. Amen. Amen. Faites connaître vos besoins. Moneshe mahitaji yenu. À Dieu. Kwa Mungu. Par des prières. Kupitia maombi. Et des supplications. Na maombolezo. Avec des actions de. Na matendo ya. Grâce. Ya shukrani. Alléluia. Amen. Ah, ne sois pas calme. Ushikale kimya. Ce soir. Mangaribi ya leo. Bouge un peu. Tenka ko kwanza. Ce soir. Mangaribi ya leo. Satan va bouger un peu. Shetani atatenka. Alléluia. Amen. Ce soir. Mangaribi ya leo. Je crois qu'il va bouger. Na wazi atatenka. Faites connaître vos besoins. Muoneshe mahitaji yenu. Mais pourquoi? Juu ya nini? On va encore lui faire connaître les besoins. Tutamujulisha tena mahitaji yetu. Il connaît toutes choses. Yeye anesha kujua bintu byote. En notre terme. Mumusema mjini. Dieu veut te dire. Mungu anapenda kuambia. Il veut que toi tu confesses. Anapenda wewe ukiri. Que lui il existe. Ya kwamba yeye kwako. Il veut que toi tu confesses. Anapenda wewe ukiri. Il est le donateur. Ya kwamba yeye akuleta. De toutes les choses. Wa kuleta vitu vyote. Il connaît déjà tes besoins. Anesha ujua hitaji yako. Anapenda toi tena. Toi tu puisses parler. Upate kusema. Alléluia. Amen. Il veut que toi tu prononces. Anapenda wewe useme Bwana. Je n'ai pas des habits. Mishi na mavazi Bwana. Je n'ai pas d'enfants. Mishi na batoto. Il connaît déjà. Anesha kuiua. Mais il veut. Anapenda. Que toi tu parles. Wewe upate kuisema. Il veut. Anapenda. Que toi tu prononces. Wewe upate kuitangaza. C'est là dans ta bouche. Mukinywa yako. Je connais que tu as des péchés. Mungu anajua sema kuna zambi. Mais il veut que toi tu prononces. Anapenda wewe uiseme. Alléluia. Amen. Je me tiens à la porte. Ninasimama kumulango. Et je toque. Na niku napika odi. C'est lui qui ouvre. Ula tanifungulia. Est-ce que Dieu est incapable? Eti Mungu ana na uwezo. D'entrer directement ya kuingia tu ye mwenye mumoyo wako. Hapana. No. Mais il veut que. Anapenda kwamba. Toi tu ouvres d'abord. Weyo mfungulie. Et lui va entrer. Ye na ye njo ataingia. Mais il connaît des problèmes. Anaisha kuya mambo yako. Il connaît que tu as un problème d'argent. Anayasema unahitaji fedha. Il connaît que tu as un problème d'enfant. Anayasema unahitaji batoto. Toi tu le prononces. Anapenda wewe uiseme. Mkinywa yako. Et lui va écouter. Naye atasikia. Et il va exaucer. Na atakubali. Et ce soir. Mangaribi ya leo. Ne me regarde pas. Mushiniangalie. A moi ni rien. Mwangu amuna kitu. A moi. Ndani yangu. Ni rien. Amuna kitu. Mais il y a quelqu'un. Alakini kuku mmoja. Qui est capable. Mwenye kuwa na uwezo. De te donner. Ya ukupatia. Ce soir. Mangaribi ya leo. Si la donne ye. Kama rileta jana. Amen. Amen. S'il a donné hier, kama jana rileta, il donne encore aujourd'hui. Angariki na leta il donnera encore demain. Ataleta tena il est le même. Hier, jana, aujourd'hui leo, et éternellement. Milene, Jésus ne change Yesu pas. S'il a béni hier, ce soir, il doit aussi bénir. S'il a guéri hier, ce soir, sois prêt à recevoir. Uwe tayari kupokea. Dieu pour te donner mon frère. Mungu jua kupatia nduku. Il regarde aussi l'atmosphère. Eko naangalia hali yako. Passe. Dada. Pour recevoir. Bawe kupokea. Dieu regarde aussi l'atmosphère. Eko naangalia hali yako. Te présente le donateur. Abana kupaonesha Mungu akuleta. Unaikala kimya. Tu fais comme si. Unafanya sema parole. Ni neno langu. Sema parole. Haina neno langu mimi hapana. Ni neno ya muumbaji. Mais reçois cela. Oui, pokeye. Fais la et l'amen. Usema amina. Amina. Aina puissance. Iko na uwezo. Amen. Amina. Aina puissance. Iko na uwezo. Amen veut dire. Amen ni kusema. Je crois. Naamini. Que ce qui est dit. Ya kwamba inasemewa. C'est la vérité. Vya kweli. Tu sais que ton amen peut te donner la guérison. Unayasema amina yako itakuletea matunda. Tu sais que ton amen. Unayasema amina yako. Peut donner la solution à ton problème. Italeta jibu kwa mambo yako. Tu sais que ton amen. Unayasema amina yako. Peut te donner le travail. Itakupatia kazi. Jésus donne encore le travail. Yesu angariki naleta kazi nduku. Si Jésus te donne le travail. Kama Yesu anakupatia kazi. Ton compte ça va enlever quoi? Mkonti yake mtatoka nini? Si Jésus te guérit. Kama Yesu anakuponya. Ça va enlever quoi Jésus? Itatosha nini mundani ya Yesu? Alléluia. Amen. Si ne nous guérit pas. Kama si tutunze. Il va aller nous guérir où? Atenda kututunza tena wapi? Parce qu'au ciel. Juku mbingu. Il n'y aura pas de malades. Akuta kwa wagonjwa. Au ciel. Kumbingu. Il n'y aura pas de gens qui seraient estropiés. Akuta kwa babilema babiwete. Même si tu es sourd. Ataka au ciel. Visiwi, tu vas parler. Utasemaka. Au ciel. Tu vas écouter. Utasikia. Alléluia. Amen. Jésus ne change pas. Yesu ashibadilike. Hata mangaribi si ya leo. Kama uko tayari kupokea. Jésus donne encore. Yesu angariki na leta. Yesu angariki na bariki. Yesu angariki na lokota. Uwe tu tayari. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Et tu naamini? Tu crois? Unaamini? Frère Branham dit, Dou Branham ansema, croire, ce n'est pas l'imagination. Aina mambo wa kuwazia, tel comme je vois, vile mina ona, comme si je suis guéri, ya kwamba mina, sa mina tunzika, ça, c'est pas la foi. Ila aina imani. La foi, imani, Frère Branham dit, Dou Branham à la tour c'est bombé. Quand quelqu'un mlele, a la foi, on ne le bouge pas. Quand quelqu'un a la foi, même imani, si les choses vont mal, lui alimenti, il dit toujours, il y a de l'espoir. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, Abiendeke, oh Jésus Yesu, est vivant. Alléluia. Amen. Elohim, Elohim, les capables, uwezo, les tout-puissants, ote, qui est comparable à Jésus. Nani wa kulinganisha na Yesu. Quand Jésus décide, wakati Yesu akichukua mpango, qui va refuser? Nani ula takatala? Alléluia. Amen. Quand Jésus décide, kama Yesu akichukua mpango, nani ula takatala? Faites connaître, mumuoneshe, vos besoins, mahitaji yenu, adieu, wa Mungu. Ce soir, magharibi leo, besoin, beba mahitaji yako, maladie, beba magonjwa, dépose ça sur les bas, uipeleke pa banquette. Il y a une main invisible qui va passer, et qui va passer, qui va toucher, itagusa, qui va prendre ta maladie, itachukua magonjwa yako, il va amener ça, na kuipeleka mbali. Frère, Duku, il te dit dans la parole, anakuambia muneno, venez à moi, mukuje kwangu, vous tous, mwe bote, qui êtes chargés, venye kulemewa, moi le donateur du repos, miwa kuleta mapumziko. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as un problème d'estomac. Parce que tu veux amener la charge. Toi-même. Toi-même. Il y a quelqu'un qui te dit, dépose tes fardeaux à moi. Yako, moi, mimi, je suis capable. Mimi kuna uwezo. Toi, tu dis non. Ma maladie de l'estomac ici, je vais porter ça moi-même. Mon problème de tension, je vais amener ça moi-même. Le manque de travail, je vais amener moi-même. Dépose ça ici ce soir. Oui, tout le hapa mangaribi ya leo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elohim, Elohim, les tout capables, ce soir, et seulement la foi. Où est ton imani? Frère Branham dit, Dou Branham la foi c'est une petite chose. Imani ni kakitu kadoko. Mais quand quelqu'un a ça, wakati mtu yuko nayo, on a peur de lui. Muta muogopa. La foi, imani, c'est une ferme assurance. Ni hakikisho ya nguvu. Des choses, ya bitu, qu'on espère, bile tu kuna tumainia, et celles, na bile, qu'on ne voit pas, ya sipo konekana. Je vais acheter la moto. Tauza, la moto. Napenda kuza piki piki. Mais je n'ai pas l'argent. Alakini sina na feza. Qui a la foi? Uko na imani. Frère, la foi, frère. Imani nduku. Ah, c'est pas la foi la getia. Aina ile imani ile kuna. Mais la foi véritable. Imani ya biya la foi réelle. Imani ya akika. Ça change les circonstances. Uko unabadilisha mama. Là où les médecins ont déclaré que les choses ne marchent pas. Kwamba vida uwezekane kwa imani. Et même ce soir, les choses vont marcher. Vitu bitaendeka bitawezekana. Si tu crois, kama ukiamini. Amen. Amen. Nous chantons une chanson chez nous. Tukunaimba mwimbo mwa kule kwetu. Jésus est là. Yesu chunga. Dans sa parole. Muneno lake. Comme il est dans sa parole. Il est condamné muneno lake. Il est aussi parmi nous. Eko tena katikati yetu. Parce que Jésus, Ju Yesu, n'est pas en dehors. Ana inje. De sa parole. Ya neno lake. L'hôpital. Hôpitalo, pour ce soir, Dieu a mangaribi yaleo. L'hôpital est là. Hôpitalo yoi. L'hôpital est ici. Hôpitalo iko hapa. Si tu veux être guéri, kama unapenda kutunzwa, l'hôpital est ici. Hôpitali iko hapa. L'ordonnance éternelle. Ah, dawa ya milele. A déjà été écrite. Banesha uiandika. Il y a longtemps. Unesha ugawia. Par ce maîtrisie. Bidonda byake. Que moi c'est toi. Mie na wewe. Nous sommes guéris. Unesha utunzwa. Et même ce soir. Hata mangaribi yaleo. Cette ordonnance ile dawa ile banaandika. Est encore en vigueur. Ingariki tena na uwezo na nguvu. Cette ordonnance là. Ile madawa ile andika. Jamais été déchirée. Awa ya ipasulaka. Depuis qu'on a signé. Tangia baritika si ya. Ele no ki là-bas. Na ile njina iko pale. C'est le signataire. De ton créateur. Wa ne bari signé kwa muumbaji wako. Les médecins. Banganga. Ce sont des réparateurs. Ni bakutengeneza ko. Famili yetu. Alléluia. Amen. Ah, celui qui a fabriqué la moto. Ula ritunga pikipiki. Quand il va chez eux. Ukienda kwa bo kule. Pour la réparation. Ya kuitengeneza. Quand il arrive. Ukifika. Il te dit, démarre d'abord. Atakwambia, oui, wakishe mbele. Quand tu veux démarrer, unapima wakisha, Il te dit ah. Anakuambia sasa hapana. Je vois qu'il n'y a plus l'acide. Ah mimi naona hamna acide. Pourquoi? Dieu a nini? C'est lui qui a fabriqué la moto. Dieu ndio alitunga ile pikipiki. Maintenant l'autre créateur. Sasa muumbaji wetu. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a créé. Dieu ndio alikuumba. Pas fabriqué. Hapana kutunga. C'est lui qui t'a créé. Dieu ndio alikuumba. Connais déjà les pièces de rechange. Anajua ni kitu kanataka. Atabadilisha juu ya magonjwa ya stomach. Pour problème de miome. Juu ya mambo yako ya miome. Mungu akumbie. Anajua déjà les pièces. Anesha iko na vya kukombola navyo. Mangaribi ya leo kama ukiamini Mungu akumbingu va aller dans son garage atenda mu garage yake les pièces de rechange anabeba mkia kubadilisha yake la pièce anachukua chaku kite de range kile kinakuuzi il va mettre cela anakuwa kukibadilisha na kingine mangaribi ya leo mbele ya wewe kutoka les médecins sans frontières mganga wasipo mipaka. Et lui, quand il veut guérir, il ne demande de conseil à personne. Quand Jésus veut te lever, il ne peut pas demander conseil à personne. Il élève celui qui veut. Il abaisse celui qui veut. Jésus est souverain. Jésus ne le commande pas. C'est le problème d'avoir la foi. La foi, c'est une petite chose. Imani kagitu kaloko. La foi craint. Imani kunaumba. Ah! La foi craint. Imani yo kunaumba. Dis à ton voisin la foi craint. Mwambie jirani imani kunaumba. Imani kunaumba. Mon père ngoi la foi craint. Babangu ngoi imani kunaumba. Mon père mbala la foi craint. Babangu mbala imani kunaumba. Quand il y a la foi. Wakati kuna imani. A la vraie parole. Neno ya kweli. Pas n'importe quoi. Hapana kukitu kyote kyote hapana. Mais la parole de Dieu. Neno la Mungu. Ah! Frère, la parole de Dieu. Duku neno la Mungu. Ne faille jamais. Ayezi kama kuanguka ukotola. Quand il dit quelque chose. Wakati Mungu anasema dans kitu. Dans sa parole. Neno lake. Il ne recule pas. Achezi rudia nyuma. Tout ce qui est dans la Bible. Yote nyopatia. C'est oui et amen. Ni ndio na amina. C'est toi qui as des doutes. Wewe ndio kuna shaka. Quand Dieu fait la promesse. Wakati Mungu analaka. Toi ne doutes pas. Wewe ushishakie. Cela va arriver comment? Itafika c'est pas gani. Ton problème. Aina mambo yako. Dieu a déjà parlé. Amesha sema. Toi ton problème. Wewe mambo yako. C'est de quoi? Ni ya kuamini tu. Frère Branham. Nduku Branham. Il n'a pas créé. Ashikuumbe. Branham n'a pas créé. Branham ashikuumbe kitu. Oh Branham a créé des écrits. Oh Branham arumba wakabunji. Si Branham a créé des écrits. Kama Branham arumba wakabunji. Ça veut dire qu'on a des créateurs. Manake tunakuwa na baumbaji bawili. Jésus et Branham. Yesu na Branham. Il existe qu'un seul créateur. Kuku tu muumbaji ni moja tu. C'est le Dieu du ciel. Ni Mungu wa mbingu. Qu'est-ce que Branham a fait? Branham a fait nini? Par la foi qu'il avait à la parole de Dieu, il a amené à l'existence ce que son créateur a créé par la foi. Il a dit, ah, j'ai besoin de ce créé par la foi que j'ai. Si je parle, par la foi créée. Branham, il a parlé. Alisema tu. Toi aussi ce soir. Na wele mangaribi. Parle. Sema. Ce soir. Mangaribi ale. Parle. Sema. Ce soir. Ni mangaribi. Parle. Sema tu. Branham a dit. Branham alisema. J'ai besoin de ce qui est. Mina itaji batu mungu. Mais je sais que. Mina yu akwamu. Mon créateur. Mumbaji wangu. M'a déjà écouté. Anesha nisikia. Il a dit sort par ici. Anasema kamwa kakuya. Le kirei. Nakakabu unji. Hallelujah. Amen. A obéi. Kanati. À la foi. Wimani. Du fils. Ya mtoto. Du roi des rois. Wabafalume wabafalume. Parce que Branham, Branham c'est la foi de Jésus. Ni imani ya Yesu. Toi aussi, na weye, tu es la, le fils du Dieu vivant. Mtoto wa Mungu si tu parles, kama ukisema, ton père baba yako, va te répondre. Atakujibia. Ton père sait que tu es dans les besoins. Baba yako anajua sema kuna hitaji. Prends tes besoins. Beba hitaji yako mangaribi ya. Remele chez ton père. Uilurishe kwa baba yako. Umwambie kwamba. Je suis fatigué. Nimesha kuchoka. Avec cette maladie. Na hii magonjwa. Je suis fatigué. Ninachoka. Avec la pauvreté. Na umasikini. Je suis fatigué. Ninachoka. Sans travail. Na kukosa kwa kazi. Il est donateur de toutes choses. Ugonjwa wa kuleta bintu biote. Ce soir. Mangaribi ya leo. Je suis fatigué. Ninachoka. Frère, si tu as la foi. Nduku kama una imani. Mbele ya kutoka hapa. Je vais te donner un travail. Mungu atakupa même les mariages, atandoa. Dieu donne encore. Mungu angariki na si ileta, tu as la foi, Dieu va te donner. Mungu atakupatia ndoa. Alléluia. Amen. Papa Mbala, prenez-moi. Papa Mbala, on est bébé. Luc. Luca. Luc 7. Luca, sura ya 7. Commencez seulement au verset 13. Wanzie tu mustari ya 13. Est-ce que tu crois? Yetu unaamini. Frère, soyez déjà là-bas. Duku uwe déjà pale. Toi, tu es là-bas, l'autre là-bas. Chacun touche déjà son instrument. Kila umoja aguse déjà vyombo vyake vya mimbo. Mkwe tayari. Mkwe tayari. Hii magharibi. Le diable va bouger un peu. Shetani atatenga. On va lui donner un peu de couss. Tout en pique kiloko. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Même si le diable ataka mashetani. Lui donner un peu de chiffres. Anapenda tupika. Mais notre père. Baba yetu. Ne nous a pas abandonné. Ashikutwacha pa. Le diable. Shetani. Ne nous chiffre. Anaweza kutupika kiloko. Par la maladie. Na magonjo. Par le manquement. Na kukosewa. Mais notre père. Baba yetu. Est avec nous. Yuko pamoja nasi. Il marche avec nous. Yuko natembea pamoja nasi. Croyez que Dieu est un enfant de Dieu. Amini asema ku mtoto wa Mungu. Luc chapitre 7 verset 13. Luca sura saba mustari ya 13. Allez-y. Le Seigneur l'ayant vu, Bwana kisha kumuona, fut ému de compassion pour elle, akamshikiria buluma. Arrêtez un peu. Usimame kwanza. C'était Anaïm. Ilikuwa ni kwa Daba, dans la ville de Anaïm. Ilikuwa ni kumuji Anaïm. On partait enterrer. Baranza kwenda kuzika. Un fils unique. Mtoto pekee yake. Qui était déjà peke, mort. Kufa. Et sa maman. Na mama yake. Un fils unique comme moi. Mutoto wa upeke sa wa mimi. Juu na mimi ni mtoto wa upeke. Sa maman. Mama yake. Pleure. Alikuwa analia. Les autres qui étaient là. Bengine walikuwa pale. Mais Jésus. Yesu. L'ayant vu. Kisha kumuona. Allez-y. Mwendele. L'ayant vu fut ému de compassion. Ah, okay, kumuona akamushikiria buluma. Jésus l'ayant vu. Yesu kisha kumuona. Fut ému de compassion. Akamushikiria buluma. Paka vile ulikuwa inaangalia. Jésus aura compassion de toi. Yesu na yeye atakushikiria buluma. Hata vile mambo yako. Yesu anesha kuona. Il va avoir compassion. Atakushikiria buluma. Atakushikiria wewe buluma. Même si tu as des péchés. Hata kama uko na dhambi. Jésus va avoir compassion de toi. Yesu atakushikiria buluma. Même si tu as des problèmes. Hata kama uko na mambo. Yesu atakushikiria buluma. Yetu naamini vile. Yesu sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Jésus va avoir compassion. Yesu atakushikiria buluma. Mais s'il n'a pas compassion de nous. Kama shitushikiria buluma. Il est mort à la croix. Alikufa kumsalaba. À cause de qui? Juu ya nani? À cause de toi et moi. Si Dieu yako wewe na mimi. C'est pourquoi. Njoo kwa maana. Malgré tes problèmes. Hata vile kuna mambo. Yesu. A compassion de toi. Eko na kushikiria buluma. Allez-y. Tuendelee. Et lui dit. Na akamwambia. Ne pleure pas. Ushilie tena. Même si tu n'as pas de travail, nataka mauna kazi. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, est positif. Eko paka wa kuitikia sina vitakuwa mzuri, mtoto wa Mungu. Pas un pleurnicheur. Ana wa kuliaria. Senere. Oh Bwana. Ya, ya quelque part. Huku Mungu fasi fulani. Même si les choses ne marchent pas. Nataka mabintu aviendeke. Ya, ya quelque part. Huku Mungu fasi fulani. Même si aujourd'hui. Nataka malevu. Je ne suis pas béni. Mishi barikiwe. Amen. Amen. Aucune maladie. Hakuna magonjwa hata moja. N'est éternel. Ya aina yako ya milele. Aucun problème. Hakuna mambo hata moja ya milele aina yako. Aucune situation. Hakuna mambo hata moja ya milele aikaraka. Si guérir les autres. Kama aliponya wengine na weye tena. Il doit te guérir. Atakuponya. Si la bénir les autres. Kama alibariki wengine na weye. Il fera pour toi. Atakubariki. Allez-y. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil. Akakaribia na kugusa shanduku. La grande bêtise Mubaya bunene qu'ils ont fait. Bule barifuanya. Jésus les a dit. Yesu alibambia. Arrêtez. Mushimamen. Ils ont refusé. Barakatala kushimama. Continue. Wendele. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Bale barikuwa na mbeba bakasimama sasa. Il dit. Akasema. Jeune homme. Okiana mwanaume. Je te l'ai dit, lève-toi. Nakwambia usimame. Voilà. La grande bêtise. Kosa munene. Nous allons continuer là où il y a la mort là. Tutendelea pale peko. La grande bêtise. Kosa munene. Que le diable a fait. Ile shetani alifanye mangaribi. C'est de te laisser venir écouter la parole. Ya kuacha uko ushike. C'est pourquoi il a voulu te bloquer. Joko maana alipenda kufunga. Que tu viennes un peu arrêter. Uko nyuma. Jésus les a appelés. Yesu alibaita. Il a dit vous allez où? Mungu naenda wapi? Arrêtez-vous. Mushimameni. Ils ont dit oh. Mais le jeune homme là c'est qui? Où qui est naïni nani? Et ce soir. Naï mangaribi. On va dire à la maladie. Tu t'ambies magonjwa. De s'arrêter un peu. Ushimame kwanza. Tu as le pouvoir. Huku na uwezo. Dieu nous a donné le pouvoir. Mungu alitupatia uwezo. On va dire au chômage. Tu t'ambies kukosa kwa kazi. Arrêtez un peu. Ushimama mbele. La pauvreté. Umasikini. Arrêtez un peu. Ushimama mbele. Les marques de mariage. Kukosa kwa ndoa. Shimama mbele. Alléluia. Amen. Arrêtez un peu. Shimama mbele. Ils ont dit ah. Marisema apana. Continuons. Ah, tuendele. Yeye asala kama mnoko. Yanafanyaka kinyo. Tokeko kunda ye. Tuende tukamshike. Na kama yeye sili. Mambo yake naisha nekalaka kinyo. Ili dike le chrétien no. Anasema kasa ni mwaminifu. Angara sasa maisha yake. Sababu pashanje. Haitabadilika. Ile bloke. Oh bana mfunga. Mangaribi ya leo. On va dire au problème. Huko na mambo. Arrête un peu. Utambia mambo shimama. On va dire au problème. Utambia itaji. Arrête un peu. Shimame mbele. Continue. Wendele. Et le mort s'assit et se mit à parler. Nous, na ula rukwa mwenye kufa akakala na kwanza kusema. Quand Jésus. Wakati Yesu. Ah. Frère. Nduku. La main de Jésus. Mukono ya Yesu. Jésus n'a pas parlé. Yesu ashikuseme. Il a fait quoi? Arifani, il a touché. Arigusa tu kushanduku. Pour ta maladie. Dieu a magonja. Qu'est-ce que Jésus va faire? Yesu atafani. Ah, il va seulement toucher. Atagugusa tu. Et la main visible. Na mukono asipoonekana. Iku nagusa bantu hapa. Kama uko tayari. Sois guéri. Upone. Au nom de Jésus. Jina Yesu Christ. Sois béni. Upone, ubarikiwe. Au nom de Jésus. Jina Yesu Christ. Sois délivré. Ukumbu. Au nom de Jésus. Ufunguliwe mjina Yesu. Jésus nous a donné le pouvoir. Yesu alitupatia uwezo. A mon nom. Mujina langu. Jina ya nani? Mujina ya nani? Au nom de qui? Ya Yesu. De Jésus. Vous chasserez les démons. Mutafukuza mademona. C'est pourquoi moi. Je commande à mim. Je n'ai pas peur des maladies. Ishongo pake magonjo. Même les sida. Ata sida. À son nom. Mujina lak. Sois guéri. Utunzoe. Les myomes. Ma myome. Au nom de Jésus. Mujina Yesu. Ni les sans effet. Aina na nguvu. La malaria. Malaria. Au nom de Jésus. Mujina Yesu. Qui est guéri. Unatunzwa. Le chômage. Ukosa kazi. Je donne encore le travail. Mungu angariki naleta kazi. Alléluia. Amen. Le problème. Mambo. C'est de croire. Ni ya kuamini. Si tu crois. Kama ukiamini. Si tu crois. Kama ukiamini. C'est le frère. Mambo. Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia biote. Le problème, même l'argent. Ata feza. Si tu as la foi. Kama kuna imani. Dieu va te donner un travail. Mungu atakupatia kazi. Arrêtez un peu. Ushimame kwa. J'aime bien là-bas. Mimi napenda sana pale. Frère. Nous avons le pouvoir. Tuko na uwezo. Eli. Elia. Adi. Adisema. N'y aura plus de pluie. Akuta kwa mvula. Sinon. Paka tu. A ma parole. Usauti ya. Eli était qui? Eli alikuwa nani? Il n'était pas Jésus. Asikuwa Yesu. Il était un homme comme toi. Alikuwa muntu sa we. Mais il a arrêté la pluie. Alishimamisha mvula. Par la foi. Kwa imani. Et toi aussi ce soir. Na we mangaribi ya leo. Arrête la maladie. Ushimamishe magonjwa. Par la foi. Kwa imani. Frère, arrêtez le chômage, frère. Que Dieu vous donne le travail. Si vous croyez. Kama mukiamini. Frère, le diable doit commencer à jouer avec nous. Shetani atanze kutuchezea hivi. Les enfants du roi. Batoto mfalme. Le monde. Mdunia. Se manque de nous. Hiku natuchekelea. On a des dettes. Tukuna mandeni. Par-ci, par-là. Huku na kule. Mais y'a un Dieu vivant. Huku Mungu mzima. Quelque part. Fashi fulani. Ce soir, mangaribi ya leo. Révolte un peu. Utomboke mbele. Ce soir, mangaribi ya leo. Tomboka. Révolte toi. La guérison. Utunzo. C'est ton droit. Ni sheria ya halali yako. Afya njema. C'est ton droit. Ni halali yako. Travaille. Kazi. C'est ton droit. Ni halali yako. Réclame tes droits. Ulomba halali yako. Kwa baba yako. Nous sommes pas les enfants illégitimes. Jia tuna watoto banaramu. Non. Hapana. Nous sommes les enfants. Tuko batoto. Légitime. Ba muandoa, ba bwana. Jésus n'est pas notre oncle. Yesu ana muyomba yetu. Non. Hapana. Jésus n'est pas notre papa légitime. Yesu ana baba yetu muloko. Hapana. Jésus. Yesu. C'est notre père. Ni baba yetu. Ce soir. Mangaribi ya leo. Si tu as la foi. Kama uko na imani. Rien n'est impossible. Hakuna kiasipowezekana. À celui. Kwa ule. On n'a pas dit. Avaseme. À celui qui a l'argent. Kwa ule kuna feza pano. La parole dit. Neno inasema. Rien n'est impossible. Hakuna kiasipowezekana. À celui. Kwa ule. Ou celle. Wale mwanamke. Qui croit. Ule anaamini. Qui croit en qui. Ule anamwamini nani. À Jésus Christ. Anamwamini Yesu Kristo. Elohim. Elohim. Le tout capable. Muweza yote. Njambo abishima. Mungu muweza yote. Ah. Frère, Duku. Moi je l'appelle. Mina muitaka. Mukikasaiba nasema muweza biote shini weye muweza yote mwenzeji wa malu muweza yote na tunembaka ayo muweza yote shini weye jina lako isifiwe muweza yote shini weye. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Frère, Duku. Qui peut faire comme Jésus? Nanu la naweza kufanya sawa Yesu. Qui peut sauver comme Jésus? Nani anaweza kuokoa sawa Yesu? Qui peut ramasser comme Jésus? Nanu la naweza kulokota sawa Yesu. Yesu alitulokota. Et nous a lavé. Alituosha. Il a fait de nous ce que nous sommes. Anatufanya kile tuko leo. Et aujourd'hui, quand le monde nous regarde, watu wa dunia wanatuangalia. Anasema, et peuple mis à part. Bantu wenye utiwa pembeni. Tu es ce que tu es. Uko kile uko. À cause de Jésus. Ni kwa ajili ya Yesu. Yesu akolemba na nini? Yesu atachoka juu ya nini? Mwa maladi na yoana. Magonjwa yako ile? Mwa souffrance na yoana. Juu ya mateso yako ile? Bo si la doneo zote. Kama repacha bengine. Non nous sommes plus pécheresses que les autres. Eti shitu kubatenda zambi kushindia bengine? Non nous sommes plus pécheresses que les autres. Shitu kubatenda zambi kushinda bengine? Il y a plus de 670 promesses. Kuku 670 malaki. Dans la Bible. Mo Biblia. Est-ce que tu as déjà récupéré même une promesse? Unesha ubeba kwa ta malako moja. Et ce soir, tangia si tu n'as pas encore récupéré, kama uyabeba, prends d'abord même une promesse. Beba mbele ata malako moja. Beba hii malako hii. Mets ça dans ta poche. Uiweke mpoche. Pia Jésus. Mwambie Yesu. Comme j'ai cette promesse. Hile niku na hii malako. Aujourd'hui, leo, je ne bouge pas. Shitatenka. Kangama na ye. Ushimame na ye, ubambane na ye. Kotika Yesu te. Ushimuache Yesu. Kanga ye bien. Umubambe mzuri. Tiye dans sa parole. Mungu eko muneno lake. Si tu veux voir le miracle. Kama unapenda kuna miuchiza. Ile dans sa parole. Eko muneno lake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que tu crois? Et tu unamini? C'est pas mon problème. Aina mambo yango mei. Mais. Alakin. C'est ta foi. Ni imani yako. Jésus ne guérissait pas. Yesu ashikwe na tunza na ponya. Jésus ne guérissait pas. Yesu asikana puonya na kutunza pana. Oh, il ne dit pas amen. Ametikie. Qu'est-ce que Jésus disait? Yesu alikuwa anasema nini? Ta foi. Imani yako. Ta guéri. Njoo inakuponya. Ta foi. Imani yako. Ta sauvé. Njoo inakuokoa. Pour que tu puisses recevoir. Upate kupokea. Le problème. Mambo ni. C'est toi-même. Ni wewe mwenyewe. Ça dépend. Unaangalia. Altitude. Hali yako. Ketia. Ile uko nayo. Tout dépend de toi. Yote na kuangalia ni paka wewe. Si tu es bien disposé, Jésus aussi au ciel, Yesu na kumbi, il est déjà disposé tayari, à te donner. Kukupatia, toi sois seulement prêt à recevoir. Kupokeya. Venez à moi. Mkuje kwangu. Vous tous. Mwe bot. Qui êtes chargé. Benye kulemewa. Moi Jésus. Mi Yesu. Je vous donnerai. Tamipatia. Du repos. Mapumuziko. Mangaribi. Je veux que tout est colis. Ninapenda. Tout est problème. Miziko yako yote. Que tu le déposes ici. Mambo yako yote. Uitule hapa. Aujourd'hui. Leo. C'est l'avant-go. Ni demain. Ni onjo. Kesho. Ya la prière. Utakuwa maombi. On va enfronter un peu le diable. Na tutamukombanisha shetani. Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia mioyo. Mais le diable. Shetani. Azonioko la biso. Eko na tuteswa. On dirait. Unaonekana sasa. On n'a pas indié quelque part. Sasa tuna na Mungu fashi fulani. Ah. J'aime ce Jésus. Mimi naumpenda huyu Yesu. Nous l'aimons, non? Si tunaumpenda haina vile. Qui est cet homme de Jésus? Ni mtu kani huyu Yesu. Quel est cet homme de Jésus? Uyu mtu Yesu ni nani? Alléluia. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Uyu mtu wa Yesu ni nani? Il marche les eaux. Alitembea pa maji. Qui peut marcher dans l'eau? Nani ule anaweza kutembea pa maji? Frère, joue un peu. Ndugu, pika mbele ile mwimbo. Pika frère. Pika ile mwimbo. Qui est cet homme? Uyu mtu ni nani? Même dans l'eau. Ata pa maji. Il marche. Eko na tembea. Même la tempête. Ata muzoruba. Eko na simamisha zoruba. Il donne l'autorisation. Analeta ruhusa. A Pierre. Kwa Petro. De marcher. Na ya tembea. Il les eaux. Pa maji. Pierre a commencé à marcher. Petro anza kutembea. Il a commencé à marcher. Anatembea. Mais quand il a raisonné. Wakati arifikili. La foi. On ne raisonne pas. Muimani hapana kufikili. Pierre a dit, eh, Petro akasema, ah, la force est pesantée. Ah, tumbukize. Dans la physique, on nous a appris. Physique bari tufundisha sema. Rien. Apana. Pourquoi tu échoues? Dieu a nini unashindwa? Parce que tu raisonnes. Ni juu kuna fikili. Si Dieu a dit quelque chose. Kama Mungu alisema kitu. C'est oui, amen. Ni ndio na amina. Ça va s'accomplir comment? Bitatimilika namna gani? C'est pas ton problème. Ila ina mambo yako. Toi quoi? Abraham, tu auras un fils. Utapata mtoto. Abraham a dit amen. Abraham alisema amina. Après un mois, kisha mwezi, je ne sais pas. Mishi yue. Après deux mois, kisha miezi mbili, c'était pas le problème d'Abraham. Haikukwe mambo Abraham. Comme c'est Dieu qui a dit. Sa vile ni Mungu ndiye alisema. Abraham a dit amen. Abraham alisema amina. Tu peux me donner do re. Mpache re. Qui est cet homme de Jésus? Et les disciples ont regardé. Na wanafunzi waliangalia. Walisema fantôme. Ah, huyu ni kibanda. Fantôme. Ah, ni kibanda. Fantôme veut dire. Banda manake. C'est un revenant. Ni mufu anafufuka. C'est quelqu'un qui est mort. Mtu alikufa. Et qui est revenu. Kisha anakuja. Oh, Jésus. Japo Yesu. Il était mort. Alikufa. Et il est revenu. Na anesha fufuka. Hallelujah. Amen. Ah. Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Il pardonne même les péchés. Eko na same ata na zambi. Sans argent. Bila feza. Sans rien payer. Bila kulipa. Il te pardonne. Anakurumia biabule. Même ce soir. Ata mangaribi ya leo. Il pardonne encore. Angariki na urumia. Même ce soir. Ata mangaribi ya leo. Il sauve encore. Angariki na okona. Si tu crois. Kama ukiamini. Jésus sauve encore. Yesu angariki na okona. Dieu n'est pas en dehors. Mungu ana inje. De sa parole. Ya neno lake. Si tu veux voir Dieu. Kama unapenda muona Mungu. Dieu n'est pas loin de toi. Ana mbali na wewe. C'est toi qui le cherches plus loin. Unjo unamtafuta mbali. Dieu est là-bas. Mungu yuko tu hapa. Dieu là où tu es. Yuko pale huko. Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? La femme à la perte de sang. Mwanamke alikuwa anapoteza damu. Elle a écouté les bruits. Alisikia makelele. Elle dit, Le bruit là c'est qui? Anasema ile makelele ni ya nani? Ni ya nini? Oh, certain Jésus. Oh, ni mtu mwa Yesu. Ah. Avec la salité que c'est. Na hibu chafu niku nayo. Je vais arriver là-bas. Tafika kule. Comment? Namna gani? Quel que soit tes problèmes, ijapokuwa mambo prends d'abord le courage. Wewe wa hodari. Commence d'abord à marcher. Waanze kutembea. Ne reste pas là où tu es. Ushibake pale uko. Prends d'abord ta foi. Wewe imani yako. Commence un peu à bouger. Waanze kutenga. Ah, bouge un peu là où tu es. Utenge kwanza pale uko. Bouge un peu. Utenge. Bouge un peu. Utenge. Commence un peu à bouger. Waanze kutenga. La femme la perte de sang. Ule mwanamke alikuwa anapoteza damu akasema la sanite. Buchafu. Quand va me regarder. Wakati bataniangalia. Les problèmes de la foi, mambo ya imani, c'est aussi le courage. Ni odari. Ça demande aussi le courage. Mungu nalomba kuwa na odari. Dieu a dit. Mungu alisema. Mais toi, weye, prends un peu courage. Uwe na odari. La femme a regardé. Mwanamke akangalia. Elle a dit malgré la salité. Ata vile niko na buchafu. Mais si je fais passer cet homme, kama nikipitisha huyu mtu, j'ai déjà 12 ans. Mimi nishakuendesha miaka 12. S'il passe, kama akinipita, je vais ajouter ma 13e année. Taongeza miaka. Malgré la salité. Hata vile niko buchafu. Je me lève d'abord. Mimi nashimama kwanza. Malgré des problèmes. Hata vile kuna mambo. Avance d'abord. Uchofeye. Donne d'abord un pas. Wendeko. Dieu dans sa parole. Mungu rappelle à Dieu. Umukumbushe Mungu. C'est toi qui as dit. Wenjo ulisema. C'est toi qui as dit. Wenjo ulisema. C'est toi qui as dit. Wenjo ulisema. Quand tu dis ça à Jésus, wakati unamwambia vile Jésus est faible. Yesu yuko mzaifu. La femme a dit non. Mwanamke alisema hapana. Malgré la salité. Hata vile ni kubuchafu. Je pars. Minenda. Elle a quitté. Alitoka. La chaise. Mukiti. La foi. Imani. A des pieds. Iko na mikulu. La foi. Imani. C'est la torche bombée. Nikilari munene. Là où les autres disent que cela ne marchera pas, mais toi par la foi dis que ça va marcher. Sema, sema là où les médecins ont dit que c'est impossible, par la foi tu as dit c'est possible. Bitawezekana. Rien n'est impossible. Hakuna kiasipowezekana mbele ya Mungu. La sœur a dit Dada ula risema, je vais marcher. Ntenda. Elle a jeté le premier pas. Aka pika atua, elle a jeté le deuxième pas. Aka pika atua, pili. Les gens la regardaient. Bantu bana wangaria. Tu vas où? Unenda wa? Avec la salive. Na ile mabuchafu. Ah, passe. Ale pita. Dans tes problèmes. Mambo yako mudi. Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Va toujours frayer. Atapasula. Un chemin. Jia. Par laquelle mule, où toi tu vas traverser. Utapitia. La femme la perte de sa. Quand on la regardait. Wakati bako na wangaria. Ah, weko buchafu. Ah, passe. Oh, pita, pita. Dit, gloire à Dieu. Oh, sifa kwa Mungu. Je prends déjà l'espace. Ah, mina pata fuashi. Cheke, manage. Je vais arriver. Tafika. Ne perds pas l'espoir. Hapana kupoteza tumaini. Alléluia. Amen. Même si tu es au bout. Ataka mwanafika kumwisho. Ne perds pas l'espoir. Usipoteze tumaini. C'est lui qui a fait la promesse. Ule alifanya malako. Est fidèle. Ni mwaminifu. Et c'est pas un homme. Na ana mutu. La femme a dit. Mwanamke ule alisema. C'est quoi que je vais arriver là. Nina wazia ntafika kule. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. La deuxième personne. Mutu wa pita. Tifa. Ah. Unaenda wapi weye? Salite, passe, passe, passe. Bila tu pita, pita, pita. Il a passé. Akapita. Elle dit, oh merci Seigneur. Oh Bwana Mungu asante. Elle a avancé. Akatsogea. Elle est arrivée. Arifika. À la devant mbele, la personne ya ule mutu, qui le cherche. Ule alikuwa anatafuta. Alléluia. Amen. Ce soir, imangaribu, tu es devant huku mbele, le donateur de solutions. Ya ule wa kuleta majibu. Ne me regarde pas. Usiniangalie mie. Me regarde. Wewe angalia. C'est lui ule, qui est dans sa parole. Ule kwa mneno lake. Moi, je suis qu'un ambassadeur. Mimi kutumba balozi. Je te donne seulement mimi nakupatia les visas. Ma visa pour que tu ailles au ciel. Upate kwenda kumbingu. Parce que l'ambassadeur, babalozi, lui il donne seulement. Analetaka tuniki. L'ambassadeur peut te dire. Anezu kwambia. Viens la semaine prochaine. Uye le juma itakuya. Tu n'as rien à lui faire. Auna kia kumufanya. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui doit te donner le visa. Yenjo atakupatia visa kwenda nayo. La sœur est arrivée là-bas. Dada ula rifika pale. Elle a regardé Jésus. Akamwangalia Yesu. Elle a dit. Akasema. Mena ya la foule. Huku kundi ya watu. O tout entour. Pembeni yake. De celui qui doit me guérir. Ya ula napashi kuniponya. Comme j'ai la foi. Vile ni kuna imani. Mon problème. Mambo yangu. C'est pas de toucher Jésus tout entier. Aina kumugusa yeote. Comme j'ai la foi. Vile ni kuna imani. Même si je lui touche par les pieds. Atani kimugusa tukumukulu. Je serai guéri. Tatunzwa. Alléluia. Amen. Le problème de la parole. Mambo ya neno. C'est pas connaître toute la Bible. Aina kujua Biblia yote. C'est question d'avoir la foi. Mambo kwa tuna imani. Dans la parole. Neno la Mungu. Elle a regardé. Akangaria. Elle s'est avancée. Akachofa. Elle s'est avancée. Akachofa. Elle s'est avancée. Akachofa. Par la foi. Kwa imani. Elle a touché. Akagusa. La robe de Jésus. Kanzu ya Alléluia. Yesu. Amen. Frère, la robe de Jésus. Kanzu ya Yesu. N'était même pas la parole. Aikuko ata neno. Mon père Ngoi. Baba yangu Ngoi. Est-ce que la robe de Jésus était la parole? Kanzu ya Yesu ilikuwa njo neno. Hapana. La robe Kanzotu de Jésus ya Yesu, qui n'était même pas la parole ya neno, a guéri une personne, muntu, a commis les plus fortes raisons. Toi et moi, nous croyons à la parole neno. De, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, de Genèse à l'Apocalypse. Dieu est incapable de nous guérir. Et quand il a touché Jésus, wakati aligusa Yesu, Jésus Yesu s'est arrêté. Akasimama. Amen. Amen. Ah. Jésus Yesu s'est arrêté. Akasimama. La prière de la foi. Maombi ya imani. Iku na musimamisha Yesu. Na mangari ya prière. Maombi yako. Puisse arrêter Jésus. Pate kumusimamisha Yesu. Yesu. Puisse te regarder. Apate kuangalia. Wakati alimgusa. Jésus s'est arrêté. Yesu na akasimama. Jésus a dit. Yesu akasema. Qui m'a touché? Ni nani ula ananigusa? Ce soir. Ni mangari bi. Touche Jésus. Umugusa Yesu. Jésus va dire. Yesu na atasema. Qui m'a touché? Ni nani ula ananigusa? Pierre a dit. Petro akasema. Ah, Rabbi. Mwalimu. Tu exagères. Hein? Ah, unapitisha. Beaucoup de gens comme ça. Bantu mingi hivi. Et toi tu nous dis. Sasa wewe unatuambia. Qui m'a touché? Ni nani ula ananigusa? Jésus a regardé Pierre. Yesu akamwangalia Petro. Il a dit oui. Ndio. Il y a beaucoup de personnes. Huku bantu mingi. Qui me touche. Bale beko na ligusa. Mais cette manière de me toucher. Mimi namu na kunigusa. Est spécial. Ni ya upekee. Alléluia. Amen. Touche un peu Jésus. Uguse kwanza Yesu mangaribi ya leo. Et Jésus na Yesu, va s'arrêter. Et va te regarder. Na atakuangalia. Il va te dire. Atakwambia. Ta maladie. Magonjo yako. Va s'arrêter. Inashimama. Ta pauvreté. Bumasikini yako. Va s'arrêter. Unasimama. Tes problèmes. Mambo yako. Vont s'arrêter. Itasimama. Je te lis le frère Branham pour terminer. Na kusomea nduku Branham juu ya kumaliza. Est-ce que tu es prêt ce soir? Et tu tayari mangaribi ya leo. Tu es prêt? Uko tayari? Écoute. Usikie. Écoute bien. Usikie mzuri. La voix de Dieu, Jia ya Mungu, qui a été frayée pour nous. Ile bali tupasuria. De 1952. Ya 1952. Au paragraphe nukta yake 188. 188. Amen. Amina. Ah, tu écoutes Jésus? Unamsikia Yesu? C'est Jésus qui t'écoute comme ça. Et ni Yesu logo nasikia unalibamba Yesu a Nazareth. Qui enlève même les soucis. Mwenye kondosha ata mangai mauzuni. Qui change la maladie en bonne santé. Mwenye unabadilisha magonjwa na kuwa afya njema. Qui change la tristesse en joie. Unabadilisha uzuni na kuwa furaha. C'est lui qui t'écoute comme ça. Jo logo nasikia unalibamba kulichafu. Là, c'est notre Jésus. Ule ni Yesu mwenye. Mais notre Jésus. Yesu wetu sisi. Même s'il y a des problèmes. Ata kama kuna mambo. Anakuambia kuja. Lui, c'est lui qui donne la joie. Yenje kuna leta furaha. Frère Branham dit ceci. Du Branham anasema hivi. Tout ce que Dieu a dans son royaume. Kile kyote Mungu yako nacho mu ufalme yake. Ah! Est-ce que tu peux pas dire amen? Hawezi kusema amen na kuni. Écoute bien, je reprends. Usikie mzuri, mimi naanza tena. Tout ce que Dieu. Ile yote Mungu. A dans son royaume. Yako nayo mu ufalme wake. Nous appartient. Ni yetu. Le royaume de Dieu, Mungu, c'est sa parole. Neno lake, tout ce que Dieu a ici, cela nous appartient. Yetu, la guérison utunzo, nous appartient. Yetu, la bonne santé njema, nous appartient. Yetu, la bonne vie maisha mzuri, nous appartient. Yetu. Maintenant, frère Branham continue. Sasa nduku Branham anaendelea kusema. Il y prend simplement eko na chugua tu, tous les grands carnets ma carnet minene, des chèques. Ya chek. Mama. Mama. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. A pris. alichugua un grand carnet, carnet munene. Nena regarde le carnet, sasa mwangalie carnet ya Yesu, le grand carnet, carnet munene de chèque, ya macheque. J'aime ça la Boris, mimi naiweka kwanza hapa plein de chèque, yenye kuyala na macheque. Ici ya plein de promesses, Mungu malako ya mingi. Amen, amen. Un grand carnet, carnet munene plein de chèque, ya kuyala macheque. Il signe. Anapika hapo saini. De son nom. Na jina lake. Au bout de cela. Kumwisho ya ile. Notre chef. Frère, est-ce que vous comprenez le carnet? Munaelewa carnet? Il y a un chéquier. Kuku kwa makubeba chèque. Et puis carnet. Na muku na carnet. Manake carnet. C'est plein. Inayala. Comme ça. Pake hivi. Mena un chéquier. Sasa chèque. C'est un papier. Ni kamoya tu kakartasi. Ni kamoya kakutokelea mungu. C'est là qu'on appelle un chéquier. Njoka chéquier. Sasa carnet ya machèque. Ni hiki kiote. Maintenant le Seigneur a fait quoi? Sasa bwana anafanya. Il a déjà signé ça. Anesha utia saini. Par son nom. Na jina lake. Ah. Est-ce que tu comprends? Et tu est-ce que l'église va être est avec moi? Kanisa nanifuata. Je vais m'arrêter par là. Tasimamia pale. Ce soir. Mangaribi ya leo. Ah, unatomboka. Na je me révolte. Révolte-toi. Utomboke. Tomboka. Révolte-toi. Ce sont tes droits. Ni maalali yako. Tomboka. Révolte-toi. Si Jésus savait qu'il était incapable, kama Yesu aliwa de nous prendre en charge, mais pourquoi il nous a amené dans la parole? Nini muneno, mais si il nous a amené dans la parole, il muneno, sait qu'il est capable anajua sema de nous prendre en charge. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mana, il nous a donné tout incarné carne muzima ya mashek mulindani. Signé kutia na de saini, son nom ya jina laki, au bout de cela, kumwisho ya ile, disant, na kusema, voici fils, tazameni mwana, tout ce dont il y a besoin, ile yote unahitaji, va le prendre, wende uichugue, alléluia, amen, tout ce dont il y a besoin, ile yote unahitaji, je la dépose ici, Mungu anesha yeka umu, amen, amen, je continue, naendelea, n'ayez pas peur, usiogope, de les remplir. Ya kuyandika wi. Frère. Nduku. Tu écoutes. Unasikia. Si on t'a demandé $1,000. Kama na kuomba $1,000. Pour le mariage. Juu ya ndoa. Ajoute encore 1,000. Ongeza kona 1,000 ingine. N'aie pas peur. Usiogope. De les remplir. Ya kuyandika. C'est ton droit. Ni halali yako. Jésus te dit. Yesu anakwambia. N'aie pas peur. Usiogope. De remplir. Ya kuyandika. Ton chèque. Chèque yako. Ma sœur. Dada yangu. Rempli. Uyandike. Dessine déjà ton mari. Moi j'aime les mari avec des barbes. Mimi napenda bwana wa ndevu. Na yo mbali na yo. Dessine na bwana napenda aina mambo. Jésus t'a déjà donné. Yesu anesha kupatia hii. Oh non, moi je veux un beau véhicule. Mimi napenda gari mzuri. Cherche déjà la marque. Tafuta modele ya motoka unapenda. Frère, nduku. J'étais à besoin d'une moto. Kama unahitaji pikipiki. Utafute modele ya pikipiki. Usiogope. Le problème de croyance c'est quoi? Mambo ya mimi. Nous avons peur. Tuko na boka. Eh. Quelle occasion favorable. Batika ni ya mzuri hivi. N'ayez pas peur. Usiogope. De les remplir. Yawe kuyandike. Remplissez-les. Uyandike uyaje. Remplissez-les. Uyaje. Ce soir. Mangaribi. Rempli. Uyaze. Ma sœur. Dada yangu. Si tu n'as pas, tu n'as pas des enfants. Kama una batoto. Rempli. Uyaze pale. Si dans ta maison. Kama munyumba yako. N'y a pas la paix. Amuna salama. Rempli. Uyandike. Les donateurs de paix. Wa kuleta salama. Est ici ce soir. Eko hapa mangaribi ya leo. Remplissez les mains. Uyandike tu. Remplissez-les. Uyaze. Et na présentez-les lui. Umuoneshe hiyo sasa. Présentez-les. Umupeleke yeye. Ah! Toi quand tu vas remplir. Wakati utaiandika. Ne garde pas ça. Usichunge. Présente ça à Jésus. Wende umpeleke Yesu. Mais là qu'est-ce que tu vas dire? Sasa utasema nini? Merci Seigneur. Asante Bwana. Adi déjà merci Seigneur. Umwambie déjà asante. Parce que Dieu t'a déjà donné. Mungu anesha kupatia. Rempli déjà. Oui, yes. Et quand tu vas remplir. Wakati utamaliza. Tu vas dire merci Seigneur. Utasema asante Bwana. Est-ce que tu crois? Et tu naamini. Tout ce que vous demanderez. Ile yote mutaomba. À mon nom. Mujina langu. Vous les recevez d'abord. Munaipokea kwanza. Et vous les verrez. Na kisha mutaiona. S'accomplir. Utimilika. Pour dire que Dieu n'est pas un homme. Sema, sema, Mungu ana mutu. Pour mentir. Jua kulongofi. Remplissez-les. Uyaze. Cela va passer. Na ile tafanika. Bon. Quel est cet ange ni malaika kani qui va bloquer la demande hitaji d'un enfant de Dieu ya mtoto wa Mungu? Oh, non, ta demande n'a pas d'espace. Oh, hitaji yako haina nafasi. Hapana. Non. Signale. Yenye kutia saini. Signale chek. Kutia saini pashek. Dite. Useme. Seigneur. Bwana. J'ai besoin de la guérison. Nina hitaji utunzo. Ah. Signez déjà. Est-ce que tu as déjà rempli? Vous avez rempli? Vous avez rempli? Prêt déjà à remplir? Oui, mumwandike. Kokukuikala, chilobo chamvita. Remplissez déjà. Muyaze. Remplissez. Frère, rempli. Dada, uyandike. Frère, rempli. Tu n'as pas le travail. Auna kazi. Rempli le chèque. Uandike chèque. Rempli le chèque. Uandike chèque. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Auna romba. Rempli le chèque. Uyaze chèque. Rempli. Uyandike. Tu n'as pas quoi que ce soit. Auna izumini. Rempli. Uyandike. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Auna romba takatifu. Chante frère. Chante koku kikala. Tokei. Mutume ile wimbo haraka haraka. Twende. Ah.